Because we love making movies. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, je vous parle de La dernière vie de Simon de Léo Carman. Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts ? Je ne sais pas. Simon, tu m'aides à mettre les verres ? Maintenant, les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Alors, avant toute chose, je vais commencer par vous dire de ne pas regarder la bande-annonce. Parce que ce que je vous ai mis, c'est vraiment le maximum. C'est vraiment ce que vous devez savoir pour voir le film dans des conditions optimal. C'est-à-dire j'ai regardé la bande-annonce après avoir vu le film et ça en dit vraiment, mais vraiment beaucoup trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde que très rarement les bandes-annonces avant de voir le film. Bref, fermons la parenthèse, c'est un film que j'ai rattrapé pour les Gaspards, dont j'avais déjà parlé, qui est une cérémonie qui récompense des films un peu comme les Oscars, les Césars, etc. Et donc c'était nommé dans la catégorie meilleur scénario, et c'est pour ça que je l'ai rattrapé tout simplement, mais le film était déjà dans ma liste depuis un bail, depuis le début d'année. Il est sorti le 5 février 2020, à savoir le jour de l'anniversaire d'une personne absolument formidable, votre fidèle serviteur, moi-même. Donc j'aurais kiffé le voir en salle le jour de mon anniversaire, mais je ne l'ai pas fait du coup. Si je vous dis ça, c'est que de toute façon j'ai rattrapé chez moi, donc malheureusement je n'ai pas pu le voir en salle, mais ça aurait été une très bonne séance. C'est le premier long métrage de Léo Carman, qui a quand même la trentaine, il me semble. C'est ce que j'ai cru lire dans le dossier de presse du film. Il est quand même assez âgé, c'est son premier long métrage, il avait déjà fait un court avant, et en fait il expliquait que tout simplement il a eu énormément de mal à financer le film, parce que malheureusement en France, dès qu'on sort des comédies un peu sociales ou du drame un peu social, enfin vous voyez ce type de film, c'est très très très très très compliqué de se faire produire un film, tout simplement. Je pense notamment à Julia Ducournau, réalisatrice de Grave, qui avait dû aller en Belgique parce qu'il n'y avait pas assez d'argent en France. Et c'est exactement ce que Léo Carman a fait. J'ai pas trouvé le budget du film, mais il a été coproduit en Belgique. Voilà, parce qu'en France, ça donnait pas assez d'argent, malheureusement. Et ça, je trouve que c'est un truc qui devrait changer, parce que des propositions fantastiques comme ça... Voilà quoi, et quand je dis fantastique, c'est dans les deux sens du terme. C'est autant fantastique dans la qualité que dans le genre. Et je trouve qu'on devrait évidemment beaucoup plus encourager ça, évidemment. Parce que le fait que un auteur, un jeune réalisateur, parce que oui, il le dit aussi dans le dossier de presse, l'âge joue énormément. L'âge joue énormément. Les producteurs vont beaucoup moins faire confiance à un jeune réalisateur qui en a son premier film et qui tente un truc assez audacieux comme ça, qu'à un réalisateur assez expérimenté. Et ce qui peut être compréhensible en soi, mais c'est franchement dommage. Et il a dit que la version du scénario qui avait été validée, c'est sa 12e. Il a dû réécrire 12 fois, bon pas tout évidemment, mais il a dû réécrire 12 fois pour que ça se fasse valider. Et encore, il a dû aller se coproduire en Belgique. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors pour ce qui est du film en lui-même, comme je l'ai dit pour la bande-annonce, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire de Simon, qui est un jeune enfant qui vit dans un orphelinat parce que ses parents l'ont abandonné, ou en tout cas ils l'ont laissé devant l'orphelinat. Moi j'appelle ça abandonné personnellement. Et à un moment il y a une fête et il va se lier d'amitié avec deux enfants qui sont frères et sœurs, qui s'appellent Mad et Thomas. Et en gros ils vont devenir très amis et les deux enfants vont l'inviter chez eux. Donc entre temps Simon va révéler à ses deux amis qu'il est capable de prendre l'apparence de toutes les personnes qu'il a touchées. Et suite à cela, ça c'est pas dans la bande annonce, c'est moi qui le rajoute, suite à cela il va se passer un événement assez tragique, voilà, sans spoil. Et puis il y aura une ellipse et les personnages seront adultes et ça va lancer une nouvelle intrigue. Donc voilà, j'ai tout fait pour pas spoiler. J'aimerais bien commencer par parler du scénario, puisque dans les Gaspards il est nommé dans la catégorie meilleur scénario. Je lui ai donné des points, c'est à dire que dans les Gaspards il y a 4 nommés à chaque fois, et à chaque fois vous devez donner votre top 3 dans l'ordre, et en fonction de si le film est premier, deuxième ou troisième, il aura un certain nombre de points. J'ai donné des points à La dernière vie de Simon, mais je ne l'ai pas mis premier pour une seule raison, c'est que j'ai trouvé le scénario un peu trop prévisible à certains moments. Vraiment un peu trop prévisible. Je pourrais pas développer sans spoiler, donc je vais pas le faire. Mais il y a vraiment des moments où c'est beaucoup trop prévisible et où je me suis dit « Ah, il va se passer ça » et il s'est passé ça. Mais ce qui vient contrebalancer, c'est la mise en scène parce que tout est, voilà, même si c'est prévisible, tout est bien amené. Tout est bien amené même si certains moments sont prévisibles. Et c'est un vrai point fort du film. En termes de réalisation et de mise en scène pour un premier film, c'est plus qu'honorable et c'est franchement bien fait. Il y a tout un truc sur les transformations qui se font beaucoup hors champ ou alors dans le champ mais avec quelque chose qui cache. Par exemple, ils font ça, il y a un moment où il y a le soleil qui rentre dans une fenêtre et qui du coup cache Simon. Et du coup, sa transformation peut se faire cachée par le soleil. C'est quand même intéressant de relever qu'il y a des transformations face cam, mais qui sont bien évidemment moins nombreuses. Après, elles restent quand même bien faites. Voilà, c'est vachement bien géré, les transitions face cam quand il y en a. Donc, c'est pas spécialement un défaut, et puis on comprend que c'est compliqué à faire numériquement, etc., en termes d'effets spéciaux, que bon, voilà, le film a eu du mal à se financer, et que c'est compliqué. Donc voilà, on leur en veut pas. Alors, en ce qui concerne les acteurs, on retrouve Albert Geffrier, je ne sais pas si je le prononce bien, pour les enfants, je parle là, dans le rôle de Simon. On retrouve Simon Sucé, qui n'est pas dans le rôle de Simon, mais de Thomas, et Vicky Andren, qui est dans le rôle de Mad. Franchement, pour des enfants, c'est très correct, c'est même plus que correct. Ça joue franchement bien, c'est convaincant. Après, les enfants, c'est vraiment les 30 premières minutes du film. C'est pas la partie majoritaire. La partie majoritaire, c'est quand ils sont ados. Et pour les ados, on retrouve Benjamin Voisin, que vous avez pu voir aussi cette année dans Été 85 de François Ozon. Martin Kerman, donc, qui doit être le frère du réalisateur, je suppose. Et Camille Clarisse, voilà, qui franchement sont tous très convaincants, qui jouent tous très bien. Benjamin Voisin, c'était un plaisir parce que cette année, je sais qu'il a fait 3 films, je sais plus lequel est le dernier, mais j'avais vu que Été 85, et donc c'était un vrai plaisir de le voir dans un autre film. Et encore une fois, là voilà, il a gagné récemment le prix de la révélation aux Lumières avec Félix Lefebvre pour Été 85, et je pense sincèrement qu'il a à suivre parce que c'est vraiment un très très très bon acteur, même si je dois avouer, il faut le dire, voilà, dans Été 85, j'ai préféré Félix. Mais j'ai beaucoup aimé la prestation de Benjamin aussi, mais j'ai préféré Félix. En termes d'ambiance visuelle maintenant, on a quelque chose de très fantastique, notamment la lumière. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière, surtout dans la partie avec les enfants, qui sont faites à base de bleu ou à base de jaune. Mais c'est pas un jaune, voilà, c'est un jaune qui va faire penser à du fantastique. Il y a une phrase de journaliste qui disait « le nouveau Spielberg ». Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas encore là, c'est que le premier film, il faut voir ce qui se passe, et puis c'est surtout une phrase de journaliste. Mais je vois dans l'idée ce qu'il veut dire, je vois très très bien ce qu'il veut dire dans l'idée, et je suis franchement d'accord, puisque de toute façon, les inspirations, il l'a dit, c'est les films de Spielberg. La plus grande inspiration du film, c'est E.T. Voilà, donc en termes de SF, vous savez à quoi vous attendre. Mais franchement, je pense que c'est un réalisateur qui a énormément de potentiel. Il a été accompagné par Julien Poupard pour la photographie, donc voilà, je pense que si les deux continuent à collaborer ensemble, ça va faire vraiment, vraiment, vraiment du très bon taf et ça va être très intéressant à suivre. Dans le dossier de presse que j'ai lu, il y a une interview de Léo Carman où en gros il lui demandait « Mais c'est votre premier film, est-ce que vous vous êtes entouré de personnes un peu plus expérimentées ?» Et il a répondu « La moyenne d'âge sur le projet, ça devait être 28 ans. » Donc voilà, je trouve ça exceptionnel. C'est vraiment un film de gens qui... voilà, qui sont jeunes, qui veulent faire leur film, qui ont galéré à se produire, mais qui sont là et qui veulent se donner à fond tout simplement. Et ça donne un truc franchement, franchement, franchement pas dégueulasse, pour ne pas dire vraiment qualitatif. Si, si, disons-le en fait, si, si, pour un truc très qualitatif. Franchement, il n'y a pas d'autres mots, c'est très qualitatif. Il y a une musique qui sert parfaitement l'ambiance du film, qui va rejoindre l'ambiance visuelle dans un truc très fantastique et qui est vachement efficace. Voilà, moi vous savez ce que je pense d'une musique de film. Si elle dessert l'enjeu ou l'ambiance du film, pour moi elle est réussie. Voilà, là la musique est plus que réussie. Donc voilà, c'est un film qui va passer par plusieurs genres, notamment le fantastique évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai dit SF tout à l'heure, je viens de m'en rendre compte, mais dans ma tête j'avais fantastique et c'est SF qui est sorti, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est vraiment un film fantastique. Il y aura des côtés un peu plus dramatiques parfois, pas tant comédie malheureusement. Enfin malheureusement non, pas forcément malheureusement, mais si vous avez envie de rire, c'est pas le bon film. Et puis il y aura le côté romance où j'en dis pas plus, mais voilà, vous verrez très bien. Donc c'est un film qui s'est alterné entre les genres, qui a une mise en scène qui est franchement remarquable, qui a une très bonne ambiance visuelle, mais qui a 2-3 défauts de premier film, comme par exemple le scénario, qui est un peu prévisible. Le film a eu plusieurs prix du public dans différents festivals, et il a été également sélectionné hors compétition au festival de Gérardmer. Gérardmer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival de films fantastiques et horrifiques. Donc Gérardmer, c'est très qualitatif. C'est-à-dire que en général, s'il y a un film qui ressort primé de Gérardmer, je pense que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais s'il y a un film qui ressort primé de Gérardmer, en général, on peut faire confiance. Donc parmi les films qui ont été primés à Gérardmer, on retrouve Darkwater d'Hideo Nakata, on retrouve Morse, que j'ai pas vu mais qui apparemment est génial, on retrouve L'Orphelinat qui, pour le coup, je l'ai vu et qui est absolument génial. J'en parlerai peut-être dans un prochain podcast. On retrouve It Follows, qui est absolument superbe, j'en ai pas encore parlé, mais c'est superbe. On retrouve Grave, dont j'ai déjà parlé. Et on retrouve Ghostland également, dont j'ai déjà parlé. Voilà, c'est un petit best-of des films qui ont reçu le grand prix à Gérardmer. Donc, bref, tout ça pour dire, d'ailleurs, il y a l'édition en ligne, puisque bon, avec le Covid, c'est pas possible, mais il y a l'édition en ligne qui se tient de Gérardmer à partir du 27. Vous pouvez prendre des places. Je ne suis pas payé, évidemment. Je préfère le préciser, on sait jamais, je ne suis pas payé pour dire ça. Mais c'est un très bon festival. Les courts-métrages sont gratuits, je ne sais pas s'il reste des places, mais les cours sont gratuits, donc n'hésitez pas, moi j'ai déjà pris mes places. Le film est dispo en streaming sur Canal+, et à la location et à l'achat sur Google Play, Orange, YouTube, Filmo TV, Canal VOD et Rakuten TV. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Daily Movie, j'espère que cette écoute vous aura plu, et pour ma part, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle présentation de film.